son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. En cette période de réjouissance, tous les employés de la maison Kia de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent un très joyeux temps des fêtes et vous remercient de la confiance témoignée pendant l'année qui s'achève. Que ce moment d'arrêt soit des plus merveilleux et profitez de l'occasion pour fraterniser avec vos proches. Ce sont les vœux de la maison Kia Mistassini, située au 59 boulevard panoramique à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-1555. Kia, du mouvement, vient l'inspiration. On rappelle, évidemment, c'est la période des fêtes. On fait des entrevues avec les joueurs qui ont marqué la Ligue junior régionale suite au livre, évidemment. C'est un petit peu la suite du livre de Michel Simard. C'est sûr que nous, étant donné qu'on est basé à Dolbeau, on parle avec plus de joueurs de Dolbeau-Mistassini. Là, on va parler avec un ancien joueur des Castors de Dolbeau. On dit que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire des Castors, Yvon Junot. Pour les jeunes de Dolbeau-Mistassini, c'est l'oncle, Junior Junot. Donc, c'est quand même Junior qui est très, très connu à Dolbeau-Mistassini. Bonjour, M. Junot. Bonjour. Comment ça va, Danny? Ça va bien. Monsieur Junot, pour les gens, vous êtes l'oncle à Junior. Junior est très, très connu à Dolbeau, donc vous êtes son oncle, c'est ça? Exact. Je suis l'oncle de Junior et le frère de Jacqueline Junot, qui est très bien connu à Dolbeau également. Qui est très, très bien connu à Dolbeau-Mistassini. Donc, vous êtes parti de Dolbeau-Mistassini à quel moment? Ça doit faire un bon bout de temps que vous êtes parti. Oui, je suis parti depuis effectivement très longtemps, parce qu'actuellement, je demeure à Trois-Rivières. OK. Je suis ici depuis une douzaine d'années. OK. Maintenant, je suis parti, moi, évidemment, de Dolbeau quand je suis déménagé à Sept-Îles dans les années 61-62. OK. Si on parlait de vos années avec les Castors de Dolbeau, d'abord, est-ce que vous avez vu le livre? Est-ce que vous avez pris connaissance du livre? Oui, effectivement, parce que j'ai eu l'honneur d'être invité au lancement qui a eu lieu au mois de novembre. OK. Fait que j'ai rencontré M. Simard, puis on a discuté aussi avec les anciens qui étaient là, dont Paul Ménard, puis en tout cas Rosaire Leclerc, tous les gens qu'on a évidemment bien connus, qu'on a joué ensemble. Okay. Fait que c'était vraiment très agréable comme lancement. OK. Donc, qu'est-ce qui vous rappelle les souvenirs des Castors? Moi, Junior me dit que vous avez joué un très, très haut niveau, là. Vous êtes allé vraiment à haut, là. Ben, effectivement, à Dolbeau, j'ai eu une belle carrière, parce que j'ai été quand même, je pense, si ma mémoire est bonne, je suis actuellement, je pense, le troisième meilleur scoreur de la région, du junior. Maintenant, après ça, ben, je suis allé pour les Citadelles de Québec. Dans la même année, j'avais suivi les Canadiens juniors dans la saison 60-61. Okay. Ils étaient venus faire une tournée dans la région, donc je suis parti avec eux pour faire la balance du camp d'entraînement, puis on s'est rendu compte, après le camp d'entraînement, ils voulaient m'offrir un contrat, ils se sont rendu compte que j'appartenais à Toronto. Ouais. Parce que les Canadiens, dans ce temps-là, ils prenaient les six premiers francophones, je pense, hein, puis par la suite, ça venait à être large, hein? Les autres équipes pouvaient venir piger, c'est pour ça qu'on a... Ouais, c'est ça, hein? Exactement, puis évidemment, il y avait le droit à six francophones Toronto avait le droit à six francophones au Québec, okay. Puis l'inverse pour que le Québec en Ontario. Okay. Puis donc, je m'étais rapporté cette année-là au camp d'entraînement des Maple Leafs à Toronto. Okay. Avec, dans le temps, ben, évidemment, des gens comme Quentin Chimlack qui était l'instructeur. Ensuite, il y avait Tim Horton, Carl Boer, tous ces gars-là qu'on a bien connus. Les Red Kelly pour les gens de mon âge, évidemment, parce que je viens d'avoir 80 ans, donc on en a vu passer. Oui, oui, oui. Donc, les Frank Mahovlich, puis Bob Pulford, en tout cas. Tous ces anciens joueurs de Maple Leafs. Bob Pulford, moi, j'ai connu avec les Blackhawks de Chicago, qui était le directeur général des Hawks à l'époque. Il a été entraîneur-chef aussi, je pense, si je ne m'abuse. Dites-moi, que vous êtes allé au camp d'entraînement, ça s'est-tu bien passé avec les Leafs, au camp d'entraînement des Leafs? Oui, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, mon collègue Raymond Spence était avec moi à ce moment-là, Raymond Spence de Delbault. Okay. Ensuite, il y avait un ami Dubé de Québec qui était là. On a eu un très bon camp d'entraînement. Par contre, moi, après le camp d'entraînement, ils m'ont offert d'aller jouer dans une ligue, je pense, de la Ligue Eastern des États-Unis, à Knoxville ou Tennessee ou quelque chose de semblable. Okay. Puis les joueurs dans la chambre m'avaient recommandé de ne pas aller là parce qu'ils avaient dit... c'est une ligue vraiment de tough, là, puis c'est vraiment très dangereux, puis c'est pas dans mon style de jeu d'aller jouer dans des équipes avec des styles semblables. Donc j'avais refusé, puis il m'avait retourné à Delbault. Donc je suis retourné à Delbault. Pour c'est ensuite c'était extrêmement fort le calibre, hein? C'était extrêmement fort le calibre dans le temps. Ben, faut dire que dans ce temps-là, il y avait seulement 6 équipes, donc évidemment, c'est pas les choix de joueurs qui manquaient, même si, dans le temps, les Européens n'étaient pas là. Ouais. Évidemment, c'était... Non, mais je veux dire, pour le hockey régional, c'était fort. Là. Je veux dire, si on veut retourner à Delbault, vous avez fait la canne d'entraînement des Leafs de Toronto, puis vous êtes retourné à Delbault, ça veut dire qu'ici, les Castors de Delbault, c'était fort comme équipe. Là. Oui, définitivement, parce que c'est sûr que la Ligue junior de Québec, Montréal, ces choses-là, les autres étaient qualifiés comme, junior A, alors qu'au Lac, c'est junior B. Là. Okay. C'était quand même de gros calibre. OK. Si on parlait un peu à Delbault-Mississigny de vos années, je pense qu'on me dit que vous étiez avec un très bon trio. Il y avait Rosa Leclerc sur la ligne, puis l'autre joueur sur la ligne, c'était qui? André Lamontagne. OK. OK. André Lamontagne était mon compagnon, qui m'a d'ailleurs suivi quand je suis allé à cette île. On m'avait demandé d'amener avec moi un autre joueur. J'avais offert André Lamontagne, qui était disponible à ce moment-là. Il est venu finir sa carrière avec moi dans la région de cette île. OK. Si, est-ce que dans le fond, dans vos années, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez gagné des championnats? Est-ce que ça a été... Ben nous, la meilleure année qu'on avait à ce moment-là, c'était sûrement l'année 59-60. Par contre, ben on était une des meilleures équipes de la Ligue, mais malheureusement, il y a eu un de nos joueurs, notre gardien de but, Marc Tremblay, à l'époque, avait été déclaré trop âgé pour la Ligue à la fin de la saison. Okay. Il avait joué toutes les parties sauf 4. Fait qu'on on a fini avec 5 points au classement parce qu'on a tout perdu nos points. Donc, on avait l'équipe à ce moment-là pour probablement tout rafler, mais ça n'a pas été le cas à cause de cet incident-là qui a fait qu'on n'a même pas pu faire les éliminatoires, même si on avait probablement une des meilleures équipes. Déclaré 3G, pourquoi? Parce qu'il y avait un faux baptistère? Parce que normalement, c'est... Il avait produit un faux baptistère avec... Okay. Il avait modifié l'année de naissance d'un an pour être capable de jouer une année supplémentaire, puis... C'est pour ça que, d'ailleurs, il n'est pas le seul à qui c'est arrivé à plusieurs équipes dans la Ligue. OK, OK. Donc, c'était commun dans ce temps-là. Dites-moi, les assistances, j'imagine que dans ce temps-là, ça allait bien également du côté des assistances. Bien, évidemment, comme dans la plupart des équipes, quand tu as une équipe gagnante, c'est plein. Puis quand ton équipe est moins bonne, bien évidemment, les assistants sont en conséquence. Mais disons qu'on était supportés vraiment d'une façon exceptionnelle par la population régionale, Delbault en particulier, Mississauga, puis toutes les places environnantes. Mais c'était vraiment des années fantastiques. Il y avait de l'ambiance. C'était quoi, 1200-1400 personnes par match, quoi? 1500 personnes? Ah, bien, disons que Disons, je me souviens plus des chiffres, mais c'était plein à capacité, entre autres l'année où on avait une équipe pratiquement championne. Là, c'était plein tout le temps, donc on était vraiment très bien supporté par la ville. OK. Dans vos années, c'était qui les grosses équipes? Dans les Légions régionales? Ben, les Aiglons d'Alma? Dans le temps, il y avait Port-Alfred. Alma avait une excellente équipe. Port-Alfred, Chicoutimi, puis... Jonquière, puis Arvida aussi, ça a été des bonnes équipes pendant que moi je jouais. OK, OK. Dites-moi, est-ce que les matchs étaient joués à. On dit que c'était joué à l'OTJ de Dolbeau-Missassini. On appelait ça l'OTJ. C'est-tu à l'endroit où le complexe sportif de Dolbeau est présentement? Exact. C'est exactement le même complexe, mais évidemment, il y avait seulement que l'aréna à ce moment-là. Okay. Il y avait comme une petite salle à côté qui servait un peu de salle de réception. Là. Okay. Puis moi, j'avais été dans les années 65, justement, directeur de l'OTJ, qui était l'OTJ qui voulait dire l'œuvre des terrains de jeu, okay. Qui permettait, qui était subventionné par la ville, qui permettait aux jeunes d'avoir des activités sportives dans des installations adéquates. OK. Dites-moi, du côté des castors également, il y avait une belle rivalité, l'ambiance était forte également. Qui était votre entraîneur du temps? L'entraîneur était Jack Belmore. OK. Pour les premiers temps que j'étais là. Après ça, ça a été Gérard Audette. Gérard Audette. Puis ça a été vraiment deux coachs exceptionnels là. OK. Donc, c'est les premières années des castors. Les premières années des castors, c'était vraiment les premières années des castors que vous avez jouées, là. Oui, parce que moi, je pense que c'était la deuxième ou la troisième année quand moi, j'ai commencé en 57-58. OK. Mes débuts, j'avais 16 ans à ce moment-là. Donc, l'équipe, je pense que c'était la troisième. Je pense à la troisième année, il y avait René-Yves Boudreau, ouais. Qui est bien connu à Dolbeau également, qui était le capitaine de l'équipe, qui était d'ailleurs mon idole à ce moment-là. Ah, oui, je copiais beaucoup mon jeu pour lui parce que c'était vraiment un joueur exceptionnel. Là. Ouais. OK. Donc, c'est pas mal agréable. Ben, Monsieur Junot, merci beaucoup de nous avoir partagé vos beaux souvenirs. On rappelle que le livre de Michel Simard est en vente à la librairie centrale du secteur de Dolbeau. Faites vite parce qu'il y a 700 impressions seulement et Michel nous a appris qu'il n'y aura pas d'autres impressions par la suite. Donc, si vous voulez voir, il y a des belles photos, il y a du beau travail qui a été fait, ben, c'est le livre à vous procurer durant le temps des fêtes. Monsieur Junot, je vous souhaite une très très belle période des fêtes. Beaucoup de santé. Je pense qu'à l'âge qu'on est rendu, je pense qu'il faut souhaiter la santé. Puis au plaisir peut-être de se reparler un autre tantôt. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Okay. Merci. Au revoir. Bonjour. Donc, l'ancien joueur des Castors de Dolbeau, Yvon Junot.